Père éternel, merci pour ta parole, Seigneur. Aide-moi à prêcher cette parole aujourd'hui pour que je puisse vraiment faire passer cette vérité vitale, Seigneur. Ce thème vraiment très, très grave, Seigneur. Aide-moi à y faire justice, et Seigneur. On te remercie vraiment pour ta parole et ces exemples vraiment très clairs qu'il y a dedans. Et édifie tout le monde par mon message aujourd'hui, s'il te plaît, Seigneur. Et remplis-moi ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, amen. Donc la partie du chapitre, vous l'avez deviné peut-être, sur laquelle j'aimerais me concentrer, en fait. Ça commence au verset 19. Il y a plein d'histoires tristes dans la vie, mais ça, c'est vraiment le meilleur exemple qu'on puisse trouver, en fait, l'exemple d'un homme qui meurt sans Dieu et qui va en enfer et qui reste en enfer pour toujours et pour toujours et pour toujours. Jusqu'à on y pense. C'est absolument ahurissant, en fait, la gravité de ce qu'on vient de lire. Et il y a plein d'histoires tristes dans le monde. Il y a plein d'histoires tristes. Il y a des gens qui perdent leur santé, il y a des gens qui perdent tout leur argent, il y a des gens qui perdent leur époux, leur épouse, des gens qui perdent un fils, une fille. Mais il n'y a pas plus triste qu'un homme qui meurt sans Dieu, qui va en enfer et qui y reste pour toute l'éternité. Vous voyez, le pire piège de toute l'éternité, je vais même dire, c'est en fait le diable a réussi à fait croire aux gens que tout ce qui compte, c'est cette vie. En fait, tout ce qui compte, c'est ce qu'ils sont dans cette vie, c'est qui on est dans cette vie et est-ce qu'on y fait. En fait, par rapport à l'éternité, cette vie en fait ne fait pas une grande différence. Ce qu'on fait, ce qu'on est, à part ce qu'on fait pour le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas une grande différence. Vous savez, il y a un proverbe en anglais qui vient d'un poème. « Only one life, so soon, twill past, and only what is done for Christ will last. » Ça veut dire, en gros, une vie est si vite passée et il n'y a que ce qui est fait pour le Seigneur Jésus-Christ qui va vraiment rester. Peu importe qui on est, peu importe combien d'argent on a, peu importe son statut social, la seule chose qui va vraiment tout ça va périr à la mort. Tout ça, c'est fini. Et ensuite, on se présente devant Dieu. Donc, ça, c'est la plus grosse arnaque, la plus grosse charlatanerie qui existe de penser qu'il y a cette vie, que cette vie qui importe. Les gens, voilà. Moi, il y a quelques années, j'étais comme ça. Tout ce que je voulais, c'était devenir je voulais devenir musicien. Tout ce qui m'intéressait, c'était de vivre une vie mondaine et de percer dans la musique concrètement. Et ça a zéro importance, en fait. La pire des choses, c'est de mourir sans Dieu, en fait, et d'aller en enfer. Donc ici, la Bible nous raconte l'histoire de deux hommes. Et en fait, cette histoire, ce n'est pas une parabole. Comme les témoins de Jéhovah, j'ai rencontré les témoins de Jéhovah cette semaine qui m'ont dit justement que ça, c'était une parabole. Et ils m'ont dit que c'était symbolique, que tout ça était symbolique. Mais j'ai envie de leur demander, en fait, c'est symbolique de quoi exactement, en fait? Vous voyez, parce que, je ne comprends pas. Verset 23, il y a marqué, « Il lève en enfer, il lève ses yeux, étant dans les tourments, et voit Abraham au loin, et s'écria, « Père Abraham, aie miséricorde envers moi, et envoie Lazare, afin qu'il puisse tremper dans l'eau le bout de son doigt et rafraîchir ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Il veut une goutte d'eau parce qu'il est dans une flamme. C'est symbolique de quoi? D'une soif pour Dieu. D'ailleurs, j'ai soif, moi. De quoi c'est symbolique? Ils n'ont pas pu me répondre. Donc non, c'est pas une parabole, les amis. C'est une véritable histoire. C'est une anecdote qui s'est vraiment produite, puisque là, en fait, le Seigneur Jésus nous donne des noms. Il nomme des noms, il donne des noms propres. Dans les paraboles, Jésus ne donne pas de noms propres. C'est toujours des vierges, c'est toujours des personnages, c'est toujours assez c'est abstrait. Là, il donne les noms. Il donne les noms des gens qui sont encore vivants, en passage. Donc, ces deux hommes ont vraiment existé, ils ont vraiment vécu, et ils sont vraiment morts, et ils sont vraiment allés à deux endroits différents. Et la première chose que j'aimerais dire sur cet homme riche, ce certain homme riche, c'est qu'il a douté de la véracité de la parole de Dieu de son vivant. Il a douté de la parole de Dieu de son vivant. Il y a des milliards de gens sur Terre, aujourd'hui, cet après-midi, qui ont douté la parole, de la véracité de la parole de Dieu, et c'est pour ça qu'ils sont en enfer aujourd'hui. Il y a des milliards de gens en enfer maintenant. Et là, la Bible nous dit que cet homme avait Moïse et les prophètes. Hein? Ils avaient Moïse et les prophètes, mais il ne les a pas écoutés. La Bible nous dit que visiblement, il ne les a pas entendus, il ne les a pas écoutés, il n'y a pas cru. C'est ça que ça veut dire. Et vous me dites, ouais, mais Tristan, qu'est-ce que Moïse et les prophètes ont dit, en fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, ben, il y a plein de choses, en fait, dans Moïse et les prophètes. Par exemple, Nombre 21, on en parlait tout à l'heure. Cette histoire où quand il y a les serpents enflammés qui sortent de partout puis qui commencent à torturer les gens, qui commencent à les tuer. Et il y a le Seigneur qui dit à Moïse de prendre un serpent, de le mettre sur un piquet, et que quiconque regarderait ce serpent, en fait, ne vivrait, ne survivrait. Et ça, c'était une image du Seigneur Jésus-Christ, comment il allait venir et mourir sur une croix pour nous garder d'aller en enfer. Il avait cette histoire-là. Il avait aussi Psaume 9, 17. Il avait ce que David a écrit. Les méchants seront dirigés jusqu'aux enfers. Il a sûrement entendu parler de ça. Psaume 139, 8. Si je monte au ciel, te voilà. Si je me couche en enfer, voici, tu es là. Il avait cette histoire. Il n'y a juste pas cru. Il avait aussi Ésaïe 53, le chapitre où on décrit les souffrances volontaire du Messie, quand il se donne volontairement pour nous, et comment il allait être meurtri pour nos péchés, et qu'il allait mourir à notre place. Pourquoi tout ça en fait? Pour nous sauver de l'enfer. Me dites pas que l'Ancien Testament ne mentionne pas l'enfer. Cet homme, il avait les Écritures, et il avait bien plus d'histoires que les quelques-unes que je viens de citer. Il avait les Écritures, mais en fait, il les a simplement ignorées, quoi. Il les a simplement ignorées, et c'est sa faute s'il est maintenant en enfer. Je vous dis, la chose la plus stupide que quelqu'un peut faire, c'est ignorer ce que cette Bible a à vous dire. Il n'y a pas plus stupide que ça. Je sais que c'est cool d'ignorer la Bible, c'est cool de pas savoir ce qu'il y a dedans, de se moquer des gens qui vont à l'église. C'est cool, c'est peut-être cool, mais en tout cas, c'est profondément débile. Et c'est même plus que ça, c'est mal. C'est mal parce que vous faites une grave erreur si vous n'êtes pas attentif à ce que dit la Bible. Soyez attentifs à la Bible de votre vivant. Parce qu'après, c'est trop tard. Le deuxième point que je voudrais dire sur l'homme riche, c'est que cet homme avait plus d'égard pour les richesses de ce monde que pour les gains spirituels. Vous voyez, l'argent sans Dieu, ça peut être la plus grande malédiction sur un être humain. Ça peut être en fait, en soi, l'argent, il n'y a rien de mal, il n'y a pas de problème avec l'argent en soi. C'est ni bien ni mal, c'est neutre, en fait, l'argent, c'est juste quelque chose. Il n'y a pas de péché en soi dans l'argent. Mais c'est l'amour de l'argent, nous dit la Bible, qui est la racine de tous les maux. Tous les maux. Ceux qui croient que l'argent peut tout accomplir feront n'importe quoi pour l'argent. Si les gens qui transforment l'argent en Dieu, ils feront n'importe quoi pour de l'argent, pour en avoir. Et la Bible nous dit en Marc 10, 24 qu'il est difficile pour ceux qui se confient dans les richesses, ceux qui croient que les richesses, ça peut faire quoi que ce soit. En ce qui concerne leur âme ou autre, qu'il est difficile pour ceux qui se confient dans les richesses d'entrer au royaume de Dieu. Il dit après, mes enfants, qu'il est difficile pour les riches de voir le royaume de Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi il dit ça? Parce que ceux qui ont beaucoup de richesses dans ce monde ont une tendance, en fait, à penser que leur argent peut les faire sortir de n'importe quelle situation. Qu'ils peuvent juste payer pour faire taire les gens, qu'ils peuvent sortir de prison s'ils donnent une somme d'argent. Mais en fait, on peut pas tout régler avec de l'argent. Et il y a une prison dans laquelle on ne peut pas sortir avec de l'argent et c'est l'enfer. On peut pas payer pour sortir de l'enfer. Vous êtes au courant de ça? On ne peut pas acheter une faveur à Dieu. On ne peut pas acheter une bénédiction à Dieu. Il n'y aura jamais assez d'argent dans aucun compte bancaire suisse pour racheter un seul péché. Même pas le plus petit des péchés. On pourrait rassembler tout l'argent qu'il y a dans ce pays. Il n'y aurait même pas assez pour racheter même un tout petit mensonge ou une pensée oisive. On ne peut rien acheter à Dieu. Et surtout pas sortir de l'enfer. Il y a bien plus important que les richesses. Et c'est, est-ce qu'on est en règle avec Dieu? Ça, c'est plus important. Ce mec, il avait plus d'égards pour les richesses. Vous voyez, l'argent, ça peut nous acheter plein de connaissances. Ça ne peut pas acheter des amis. Avec l'argent, on peut s'acheter des médicaments, on peut s'acheter les meilleurs médecins, mais ça ne peut pas nous payer la santé, ni le moral. L'argent, ça peut nous procurer des femmes, mais ça ne peut pas faire en sorte qu'une épouse vous aime. Les choses spirituelles sont bien plus importantes que les richesses de ce monde. Notre monde, il a complètement perdu la boule avec l'argent. On vénère l'argent. Les gens font n'importe quoi pour de l'argent parce qu'ils pensent que ça peut les sauver, ça peut les protéger de tout. Et encore une fois, il n'y a rien de mal avec l'argent. Mais il y a bien plus important que trouver de l'argent et d'être riche. C'est être en règle avec Dieu. Troisièmement, il est mort sans se mettre en règle avec Dieu. Vous voyez, au verset 23, excusez-moi, verset 23, et en enfer, il lève les yeux, étant dans les tourments. Il a oublié, en fait, il a oublié de faire quelque chose de son vivant. Il a oublié la nouvelle naissance. Il a oublié de faire ça. Ben, c'est bien dommage. La Bible dit qu'il faut naître de nouveau pour aller au paradis. Vous êtes né de nouveau? Vous êtes né de nouveau? Ça vous est déjà arrivé? On peut pas aller au ciel quand on meurt si on n'est pas né de nouveau, en fait. Il faut vous poser cette question. Et si vous dites « je ne sais pas », bah, très clairement, ce n'est pas votre cas. Très clairement, vous n'êtes pas né de nouveau. Jésus nous dit « En vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et donc, il y entrait quand il meurt. C'est ça que Jésus est en train de dire. Donc, voilà. Après, Nicodème nous donne la preuve qu'il est bien spirituel après ça. Mais c'est comme ça, en fait. Vous voyez, cet homme, il est né une fois et du coup, il a dû mourir deux fois. Et il est mort physiquement, comme on va tous mourir. Et ensuite, il est mort spirituellement en enfer pour toujours et pour toujours et pour toujours. Vous voyez, si vous êtes né deux fois, vous allez mourir juste une fois. Moi, je suis né à Besançon, à la maternité, il y a une trentaine d'années, à la maternité, la mère et l'enfant. Je suis né, j'étais un petit bébé, je suis né une fois de la chair. Et je suis né la seconde fois quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. J'ai simplement reconnu, Dieu, j'ai péché, je ne peux pas y arriver tout seul. S'il te plaît, sauve-moi. Quand j'ai réalisé que l'enfer est un véritable endroit qui existe, je me suis dit, mais il faut être complètement fou pour y aller. C'est ça, en fait. Il faut être complètement fou pour finir là-dedans. Une fois qu'on sait qu'on peut être sauvé, et je suis né de nouveau. À ce moment-là, je suis né de nouveau, en fait. Et Dieu a régénéré mon esprit et je vais vivre éternellement. Voilà. Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que ça vous arrive? Posez vraiment vous cette question. Il a oublié la nouvelle naissance. Donc, voilà. Si vous êtes né de nouveau, vous allez juste mourir physiquement. Et votre vieux corps va disparaître pour toujours. Ça, Dieu, gloire à Dieu pour ça. Et par contre, si vous êtes né qu'une seule fois, attention. Vous allez mourir physiquement. Et puis spirituellement, quand Dieu vous jettera dans le lac de feu corps et âme, et là vous mourrez pour toujours, et vous crierez, et vous brûlerez éternellement pour des milliards d'années. Si vous croyez qu'il y a des milliards d'années, vous allez les déguster minute par minute. Là vous allez voir ce que c'est des milliards d'années. Voilà, l'homme riche, il est mort sans se mettre en règle avec Dieu. Ne faites pas cette erreur. Si je pouvais le faire à votre place, je le ferais. Si c'était aussi simple, je pourrais m'asseoir à côté de vous et puis faire quelque chose pour que Dieu vous sauve. Je le ferais, mais en fait, il n'y a personne d'autre qui peut le faire à part vous, en fait. Il n'y a personne qui peut croire à part vous. Donc, vous devez décider de croire aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ. Pensez-y, quoi. C'est juste hallucinant. Dieu fait jouer toute votre éternité sur ce petit pas de foi, quoi, que vous pouvez faire à tout moment. Il n'y a pas... Tout à l'heure, j'en parlais dans la voiture. Il n'y a pas de chose plus importante. Ce qu'on fait ici à Genève, il n'y a pas plus important que l'évangélisation qu'on fait à Genève. Il n'y a pas plus important que ce que je prêche maintenant sur l'enfer. C'est le sujet le plus grave. Vous savez, moi, si je fais des centaines de kilomètres tous les dimanches, parce que je vous aime bien, mais c'est aussi parce qu'il y a un enfer, en fait. Si je prêche ce sermon, c'est parce qu'il y a un enfer. Si je m'énerve, c'est parce qu'il y a un enfer. Si je vais évangéliser et que je plaide des fois 2 heures avec des clients témoins de Jéhovah, c'est parce qu'il y a un enfer. Et je suis inquiet pour leurs âmes. Voilà pourquoi on est là. C'est parce qu'il y a un enfer. Vous y croyez à l'enfer? Il n'y a pas plus important que ce qu'on fait. Il n'y a pas plus important que les affaires de Dieu. Quatrièmement, ses finances, ses richesses se sont stoppées complètement au niveau de sa mort, dès qu'il est mort. Donc, en fait, quand on meurt, en fait, on est complètement fauché. Vous voyez? On n'a plus de sous quand on meurt. C'est fini. Tout tombe. Tout ce qu'on avait, peu importe, tout disparaît. On quitte ce monde, t'as plus rien. T'as plus de compte bancaire. Dans Job 1, Job 1 nous dit que qu'on vient dans ce monde avec rien du tout et on repart avec rien du tout. C'est exactement ça, en fait. Vous allez partir avec aucune des choses matérielles que vous voyez. Tout ce que vous voyez, tout est temporaire. Tout est temporaire. Même quand il n'y aura plus d'argent liquide, tout est temporaire. Il y a des gens qui pensent à l'argent toute la journée, en fait. Il y a des gens, dès qu'ils ouvrent les yeux le matin, ils pensent à comment ils vont gagner de l'argent. Jusqu'au moment où ils se couchent, jusqu'au moment où ils arrêtent, ils pensent toujours gagner plus. Ils veulent toujours, ils ne s'endorment pas avant d'avoir trouvé une solution pour gagner plus. Ils réfléchissent à ça toute la journée. C'est complètement absurde. Quand on sait que cette vie, elle est vraiment courte et qu'on devrait, en fait, se préparer à rencontrer Dieu. Toute notre vie, on devrait se préparer à rencontrer Dieu. Et amasser des trésors au ciel. Des trésors et des richesses qui sont incorruptibles, qui vont durer pour toujours. Pas un salaire, pas un héritage, pas un patrimoine. Un patrimoine céleste. Vous voyez là, l'homme riche, il supplie pour une goutte d'eau et personne ne peut l'aider. Ni sa famille, ni ses amis, ni son rabbin. Plus personne ne peut pleurer pour lui. Vous voyez, puis j'imagine, la Bible nous précise, Jésus nous précise qu'il était riche, ce mec. Alors j'imagine, très certainement, quand il est mort, ils ont fait toutes les préparatifs pour le. Qu'ils ont fait les préparations pour son enterrement, ils sont allés peut-être au funérarium de l'époque, ils ont pris peut-être le plus beau cercueil, ils ont pris les plus belles fleurs, dans la plus belle synagogue. Et je suis sûr que le rabbin est venu et puis a dit des choses sur lui, a expliqué que c'était un homme. Vraiment important, c'était un super citoyen qui a fait plein de choses. Mais je vous dis, il n'y a pas un seul mot prononcé en votre faveur après votre mort, en fait, qui peut vous apporter quoi que ce soit. En fait, tu es parti pour toujours et c'est fini. Ta vie, elle est finie. Et tu quittes ce monde, la seconde où tu quittes ce monde, tu vas en enfer. Et en fait, il aurait même mieux fallu pour cet homme de ne jamais naître. Vraiment, quand on voit comment il finit, il aurait mieux fallu pour lui de ne jamais naître, en fait. Si tu vis 80 ans, 80 ans, comme on dit par ici, si tu vis 80 années pour finir en enfer, il aurait même mieux fallu ne jamais naître, ne jamais exister. Il aurait fallu mourir le jour de ta naissance, au mieux. Cinquièmement, il a découvert trop tard la nécessité absolue de se repentir. Et quand je dis se repentir, je ne parle pas de se repentir de ses péchés. Je parle de se repentir, si on va en Actes 3, 19, vous pouvez lire avec moi. On a une bonne définition de ce que ça veut dire se repentir. Actes 3, 19, il y a marqué « Repentez-vous donc et soyez convertis afin que vos péchés puissent être effacés. » Vous voyez ? En fait, se repentir... Là, l'homme, en fait, l'homme riche, il a oublié de se repentir, en fait. Oui, et surtout, il a découvert, par cette découverte en a amené une autre, c'est qu'il a découvert que la prière, après la mort, sert à absolument rien du tout. Ça sert à rien du tout de prier pour les gens qui sont morts. C'est maintenant qu'il faut prier. Il y a des gens, il y a des catholiques qui disent, oh, faut prier pour mon mari défunt, faut prier pour mon grand-père, faut prier pour mon oncle. Mais il peut pas t'entendre là où il est. Il y a aucune prière, en fait. Il y a aucune prière qui peut aider aucune personne qui est en enfer. Vous êtes au courant qu'il n'y a pas de purgatoire dans la Bible? Il n'y a pas de purgatoire dans la Bible. Je vous donne 1 million d'euros si vous me trouvez un purgatoire dans la Bible, dans la Osterwald ou dans la King James. 1 million d'euros. Vous allez dire, Tristan, t'as pas 1 million d'euros. J'aurais le temps de gagner 10 fois ça avant que vous trouviez un purgatoire dans la Bible. Il n'y a pas de purgatoire dans la Bible. Il n'y a pas d'état intermédiaire, en fait, entre le paradis et l'enfer, où on reste pendant plusieurs milliers d'années et les gens, ils prient sur terre pour nous faire sortir. C'est ridicule! Ça n'existe pas dans la Bible, ça. Ces deux hommes sont morts et il y en a un qui est allé au ciel et il y en a un qui est allé en enfer. C'est tout. Et ça fait partie du caractère de Dieu. Dieu, il est toujours comme ça. C'est toujours haut ou bas. C'est toujours par ici ou par là. C'est le paradis ou l'enfer. Il n'y a pas d'état intermédiaire, en fait. Et soit vous êtes en route pour vous êtes soit en route pour le ciel, soit vous êtes en route pour l'enfer. Soyez gagnés aujourd'hui. Ouvrez vos yeux. Soyez gagnés au Christ aujourd'hui. Vous êtes peut-être en route pour l'enfer. Sixièmement, il a découvert que le pardon, la miséricorde, après la mort, n'existe pas. Il n'y a plus aucun moyen de changer quoi que ce soit une fois qu'on est mort. L'état dans lequel on est, c'est l'état dans lequel on reste. Et lui, son état, c'est d'être dans une flamme tourmentée. Vous savez, des fois, cette histoire, je la lis une fois par semaine au moins. Tellement je la trouve absolument fascinante. Et j'imagine, en fait, de temps en temps, imagine toutes les prières qui sont dites, en fait, en enfer, toutes les prières qui sont prononcées. Je suis sûr qu'il y a infiniment plus de prières prononcées, en fait, en enfer que sur terre. J'imagine le nombre de prières. Enfin, imaginez la réunion de prières qui est en bas, là. Imaginez 2 secondes. Prières incessantes qui durent depuis 6 000 ans. De temps en temps, des fois, j'y pense et ça me fait suer, quoi. Ça m'angoisse terriblement, quoi. J'imagine des gens, en fait, qui sont en train de se débattre, et j'imagine des flammes qui montent tout autour d'eux, et puis ils crient, puis ils supplient Dieu, ils supplient Dieu d'arrêter, en fait. Ils disent, non, Dieu, pas ça! Arrête! Et puis, en fait, personne entend leur prière. Dieu a éteint les micros. Ils sont dans le noir, dans un enfer insonorisé, et il brûle, et personne n'entend, en fait. Dieu n'entend plus rien, en fait. Il prie, et il prie, et il prie. C'est maintenant qu'il faut prier! Vous ferez mieux de prier maintenant! Et septièmement, il est perdu à jamais. Il est séparé de tout ce qui est beau, pur, et saint, et agréable. Il n'y a plus de paix, plus de fleurs, plus de petits chiens, plus de petits enfants, plus de montagnes, plus de paysages, plus rien. Juste plus de sourires, plus rien qui puisse le réconforter. Dans un enfer complètement insonorisé dans lequel il brûle, c'est maintenant qu'il faut prier. Vous allez dire peut-être, ouais, mais je pense pas qu'un Dieu d'amour ferait ça. C'est trop dur. C'est trop. Ben, réveillez-vous, parce qu'en fait, le seul Dieu d'amour qui existe, fait ça. Et il le fait si ça lui plaît. Et il n'y a rien qu'on puisse dire. On peut s'énerver Et imaginer un Dieu autrement, ça change rien du tout. Absolument rien du tout. Les gens qui meurent sans être sauvés, et les gens qui meurent sans Dieu, ils vont en enfer. Et Dieu ne vous fera pas aller au paradis. Il vous appelle. Dieu. Ok, il ne faut pas faire ça. Dieu vous appelle. Il faut réagir aussi vite que ces chiens. Il faut réagir tout de suite. Vous devez choisir. Jésus, il est mort pour vos péchés. Il faut y croire maintenant. Vous voyez ? Et au passage, c'est pour ça que les chrétiens, ils peuvent être tristes, mais on ne devrait jamais être déprimés comme le monde. Parce qu'au moins, on ne va pas en enfer. Vous voyez ce que je viens de dire ? Au moins, on ne va pas en enfer. Vous voyez ? Peu importe comment les choses tournent ici. Peu importe tous ces gouvernements diaboliques qui essaient de nous persécuter. C'est qu'un arrêt ici. On est juste en transition, en fait. Simplement. Et Dieu, il a un meilleur endroit pour nous pour aller. Et on y va, de ces quatre. C'est dans pas longtemps. Allez, comparé à toute l'éternité, il faut penser à ça. On y va, 26 jours. Dites-vous ça, les amis. Mais lui, par contre, il est perdu pour toujours. Et il y est toujours. Vous savez, je ne sais pas si je vais réussir à vous exprimer ça, mais il y a 2 semaines, il a beaucoup, beaucoup neigé en Franche-Comté, d'où je viens. Des sacs et des sacs de neige. C'était fou. Et en fait, j'étais en train de m'imaginer combien de flocons de neige il devait y avoir dans toute cette neige, dans toute la région en fait. J'imaginais les milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de flocons. Et j'imaginais en fait chacun de ces flocons fondre un par un, à la vitesse de un flocon tous les 1000 ans. J'imagine en fait une personne qui est envoyée en enfer, Dieu la met en enfer, elle y est pendant 1000 ans, et il y a un de ces flocons qu'il y a en Franche-Comté qui fond. Après, Dieu il te laisse en enfer pendant encore 1000 ans et il y a un deuxième flocon qui a fondu. Après, Dieu, il te laisse en enfer pendant 1000 ans et un troisième flocon. Vous écoutez ce que je dis ? Vous imaginez ce que ça veut dire ? Et après, au quatrième flocon, en fait, il y a une tempête de neige qui arrive. Et chaque flocon, en fait, chaque flocon, 1000 ans. Mais réveillez-vous, quoi ! Réveillez-vous ! Le jour où on prend vraiment conscience de ça, en fait, et qu'on ne veut pas être sauvé, c'est de la folie, en fait. Ça, c'est vraiment la folie. Le jour où j'ai réalisé que quelque part dans l'univers, il y avait cet endroit qui est décrit dans la Bible, qui est rempli de flammes, dans lequel on est pour toujours, je me suis dit, mais il faut être cinglé pour ne pas être sauvé. C'est si simple. Il faut vraiment, vraiment être fou, quoi. Vous êtes fou si vous n'êtes pas sauvé. Si vous êtes conscient de ça et vous n'êtes pas encore sauvé, vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous êtes fou. C'est tellement, tellement, tellement horrible. Si Dieu me disait là, Tristan, coupe-toi la main et t'irais pas en enfer, ce serait rien par rapport à aller en enfer. Si Dieu me disait, jette-toi dans un bac plein de seringues Pfizer, ce serait rien. Ce serait un petit prix à payer. Si Dieu il me donnait un couteau et me disait, arrache-toi le cœur, toi-même. Arrache-toi ton propre cœur. Ce serait une faveur que Dieu me ferait par rapport à aller en enfer. Ce serait rien du tout. Ce monde est complètement, complètement déréglé. Là, cette semaine, il y a les frères Bogdanov qui sont morts. Je ne savais pas qui c'était. Et tout le monde en parlait. J'ai regardé. j'ai tapé sur Google et là, j'ai vu ces deux guignols. Et. Il y a des gens, en fait, qui les considèrent comme des héros, comme des gens qui ont contribué à je ne sais pas quoi. Je n'ai pas bien compris à quoi ils contribuent, en fait, ces mecs-là. C'est des pseudo-scientifiques. Et ils parlent de Dieu. Donc, je me suis demandé, est-ce que ces mecs-là, par hasard, qu'est-ce qu'ils avaient à dire sur Dieu ? Et en fait, je ne vais même pas vous lire une citation d'eux, parce que vraiment, peu importe. Mais en fait, ils disaient que Dieu, c'est la théorie du Big Bang, que c'est les 13 milliards d'années, et que c'est tous ces trucs, et que si on regarde l'astronomie, ça se trouve, ils aimaient l'astrologie aussi, mais quand on s'intéresse à l'astronomie, c'est là qu'on trouve Dieu. C'est là qu'on trouve Dieu. Hé, hey, les frères Bogdanov, c'est là qu'on trouve Dieu. C'est dans l'évangile de Jésus-Christ. Ben, enfin, bon, là, vous l'avez trouvé, Dieu. Mais c'est trop tard. J'imagine que ce n'est pas le côté de Dieu que vous vouliez trouver. Là, ce n'est pas le beau côté. Mais ce monde, en fait, les élèves, ces mecs-là, ils n'avaient rien d'intéressant à dire, surtout pas sur le Christ. Et les gens les regrettent énormément, quoi. Alors que les gens se réjouissaient quand Christ était, ou quand Christ et les prophètes ont été persécutés. Ça, par contre, c'était un sujet de réjouissance. Mais les frères Bogdanov, oh, mince, quelle perte! Vous voyez, en fait, le monde, il fait tout à l'envers, en fait. On marche sur la tête. Les pires ordures sont considérées comme des héros, par exemple, comme John Lennon. John Lennon, en fait, vous voyez, là, il chantait sa chanson Imagine, there's no heaven, no hell below us. Ben, s'il était là avec nous, qu'est-ce que vous pensez qu'il chanterait, là? Vous pensez qu'il chanterait sa chanson débile, Imagine? Imagine. Ça ne sert à rien d'imaginer, parce qu'il y a un vrai Dieu, et il va vraiment t'envoyer en enfer si tu n'es pas sauvé. Donc, imagine tout ce que tu veux, mais sois sauvé. Vous voyez? Et si, là, John Lennon, il est... Il se moquait de Jésus et il disait que son groupe allait être plus connu que le Christ, en fait. Mais c'est marrant parce que quand on va évangéliser, tout le monde connaît Jésus. Et je suis sûr qu'il y a plein d'adolescents à qui on parle, ils sont là, les Beatles, quoi, c'est quoi hein, Beatles hein. Et en plus, maintenant, il est en enfer. Enfin, c'est tragique. Mais qu'est-ce qu'il était stupide? Qu'est-ce qui était stupide? Ses derniers mots, parce qu'il a été assassiné, ses derniers mots avant de mourir, c'était hier. Yeah. Il a juste dit hier yeah, et il est mort. Voilà. C'est un mec qui, quand il était jeune, en fait, il remplissait des préservatifs d'eau et les jetait sur des nonnes. Et il mettait des préservatifs sur des crucifixes. C'était. Oui, je cautionne pas le fait d'être nonne et tout ça, c'est un autre sermon qui sera prêché une autre fois. Mais ça montre bien en fait ce qu'il avait dans le cœur envers la chrétienté. Parce que sûrement il associait sûrement le catholicisme à la chrétienté. Et du coup, voilà, il a fini avec une balle dans la chair. Et maintenant, il est en enfer pour toujours. Mais vous voyez, pour John Lennon, pour les frères Bogdanov, pour l'homme riche, revenons à lui, en fait, les choses, elles auraient pu être bien, bien différentes pour eux, en fait. Vous voyez, si quelqu'un était allé les voir avant que ce soit trop tard, si quelqu'un était allé voir cet homme riche avant que ce soit trop tard et prêcher l'évangile, peut-être que ça a été fait, peut-être qu'il a rejeté et qu'il est devenu réprouvé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que c'est notre devoir, en fait, d'aller vers les gens, d'aller vers et de prêcher l'évangile, et de donner ce choix aux gens, en fait. Il faut qu'ils soient mis devant ce choix. Il faut absolument que toute personne entende l'évangile et puisse choisir, en fait, de croire ou pas croire. Et si seulement, en fait, ça aurait pu être tellement différent pour l'homme riche. Vous voyez, là, ça fait des milliers d'années. Je ne sais pas quand cette histoire s'est produite, mais quand je la lis, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en fait, le Seigneur Jésus, il en parle comme si c'était ancien par rapport à son temps. J'ai pas l'impression que ça s'est passé de son temps, en fait. J'ai l'impression que ça s'est passé... Parce que, je sais pas, en fait, ou peut-être que je me trompe, mais dans tous les cas, ça fait des milliers d'années que ce mec est là, coincé dans l'enfer et qui demande toujours cette petite goutte d'eau. Vous imaginez s'il y a déjà au temps de Jésus, si on imagine que ça s'est pas produit au temps de Jésus, il avait déjà soif pour une goutte d'eau, et maintenant, vous imaginez la soif qu'il a? Il a déjà besoin d'une goutte d'eau il y a milliers d'années. Quoi. Et ça aurait pu être tellement différent, il aurait pu finir tellement autrement. Enfin, s'il avait réalisé simplement, humblement, je suis un pécheur, et s'il avait simplement demandé, il avait cru en Dieu pour être justifié, pour être sauvé, en fait. Il aurait pu garder tous ses biens. Il aurait pu garder toutes ses richesses, il aurait pu garder sa maison, son statut, tout ça. Il pouvait garder ça sur terre. Les choses auraient pu être bien, bien, bien différentes pour lui. Donc, vous voyez, peut-être que votre vie, elle est en soi, elle est nulle selon les critères de ce monde, personne ne vous aime, vous n'avez pas d'argent, les chiens viennent vous lécher vos ulcères, vous êtes vraiment au fond, vous êtes malade. Mais en fait, si vous êtes sauvé, votre vie, c'est pas nul. C'est un succès, en fait. C'est un grand, grand, grand succès. Et vous avez fait la meilleure... Enfin, celui qui croit en Jésus-Christ, il a fait la meilleure chose qu'il puisse faire, en fait. Peu importe tout le reste, vraiment. Par rapport à l'éternité. Donc, c'est... Pensez à vous, quoi. C'est peut-être pas trop tard pour vous. Est-ce que vous êtes 100% sûr d'aller au ciel si vous mourrez aujourd'hui? Je ne vous ai pas demandé si vous alliez à l'église, je ne vous ai pas demandé si vous priez, je ne vous ai pas demandé si... Je vous ai demandé si vous étiez sûr d'aller au ciel quand vous mourrez. Posez-vous vraiment cette question, en fait. Si vous savez que ce qu'on a lu, c'est ce que je viens de dire sur l'enfer est vrai, et qu'un jour ou l'autre, vous allez mourir et vous serez confronté à ça, est-ce que vous êtes prêt à vous présenter devant Dieu? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que votre âme, elle est prête? Est-ce que votre âme, elle est lavée? C'est une question. Soit elle est lavée, soit elle ne l'est pas. Elle ne peut pas être en train d'être lavée. Elle ne peut pas être... c'est pas un processus. C'est est-ce que vous êtes né de nouveau, comme vous êtes né de la chair? Est-ce que vous êtes né spirituellement de nouveau? Est-ce que vous avez placé votre foi en le Seigneur Jésus-Christ ou non? Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, ou si vous n'êtes pas sûr, si... Vous dites juste, non, je suis pas né de nouveau. Ben, écoutez, sur cette chaîne, il y a une vidéo qui va vous expliquer ça, le chemin biblique pour aller au ciel, le chemin biblique du paradis. Regardez cette vidéo et assurez-vous d'être sauvé, s'il vous plaît. Et si jamais vous avez des questions, envoyez un mail ou voilà, contactez-nous, faites quelque chose, mais soyez sauvé, s'il vous plaît. À prier. Père éternel, merci pour ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Merci parce que tu nous as sauvés éternellement de l'enfer. Et merci parce que nos vies sont un succès, Seigneur. Merci parce qu'on a placé notre foi en ton Fils Jésus. Et du coup, on a la vie éternelle, Seigneur. Et on est sauvés de l'enfer pour toujours. Et Seigneur, aide-nous vraiment à prendre conscience de la gravité, Seigneur, de la gravité absolue. Et j'ai pas pu y faire justice, Seigneur, avec mon sermon. Pardon. Mais vraiment, aide-nous à comprendre ce grave problème qui pend au nez de tout le monde qui n'est pas sauvé, Seigneur. Aide-nous vraiment à prêcher cet après-midi, à sauver des âmes pour éviter que des gens aient dans ce lieu de tourment et qu'ils soient perdus à jamais.